Chapitre sixième. Ah, mon Gagenais, c'est donc toi, enfin, c'est donc toi. Dans la cour qui précédait la maison, Sœur Edverdier s'était précipitée au cou d'Antoine et le couvrait de baisers que le jeune homme lui rendait de tout son cœur. Après cette première explosion de tendresse, elle se recula pour mieux envelopper dans le regard cet unique enfant qu'elle n'avait pas vu depuis 7 années. Allons, reprit-elle, ils ne t'ont pas encore trop abîmé là-bas. Même, tu as pris des coups et de la force. Mais voyez donc comme la barbe a poussé, et comme il a l'air d'un homme. Ah, pauvre petit, si tu savais combien le temps m'a duré pendant que tu étais dans ton Paris. Elle se jeta de nouveau à son cou en pleurant. Voyons, sœurette, fit Verdier de sa plus grosse voix, sois raisonnable, ce n'est pas le moment de crier. Et tout en gourmandant sa femme, le garde général sentait l'émotion le gagner. Il mordait sa moustache, clignait les yeux et se détournait du côté de M. Noël, qui assistait d'un air bougon à cette scène d'attendrissement. « Voilà bien les femmes, » dit-il au vieux professeur, en passant le dos de sa main sur ses paupières humides, toujours la larme à l'œil. « Que voulez-vous ?» Sœur Edverdier était petite, proprette et avenante. Elle trottait menue comme une souris, chantait en parlant et portait un bonnet de paysanne qui encadrait discrètement une ronde figure de dévote où deux clairs yeux gris jetaient une douce lumière. Bien que son mari eût une place dans le gouvernement, comme on disait au village, elle avait conservé la simplicité, le costume et le langage des campagnardes. Si son front étroit n'annonçait pas une intelligence bien vive, ses regards humides et ses bonnes lèvres épaisses révélaient une nature aimante et dévouée. Chez elle, la tendresse maternelle avait envahi et rempli toutes les cases du cerveau. Je suis sûr que tu n'as rien appris à Langres, s'écria-t-elle en saisissant le bras d'Antoine. Tu dois tomber de faim. Bah, pendant que tu feras ta toilette, je vais te cuisiner les plats que tu aimes, une bonne potée et une épaule de mouton dans la coquelle. Elle l'entraîna vivement dans sa chambre où les bagages avaient déjà été portés. Une heure après, ils se retrouvaient tous réunis dans la salle, autour d'une nappe bien blanche sur laquelle fumait le plat local, la fameuse potée aux choux et au lard. Monsieur Noël, dérogeant à ses habitudes en l'honneur de son élève, avait consenti à manger hors de chez lui. C'était plaisir de les voir tabler dans cette petite salle grise, dont la fenêtre s'ouvrait sur le jardin. Antoine, mis en appétit par sa course matinale et joyeux de se sentir chez lui, répondait à toutes les questions d'un air de bonne humeur et sans perdre un coup de dent. Sœurette, à travers ses allées venues, ne le quittait pas des yeux. Verdier et M. Noël ne se lassaient pas non plus de le regarder et de l'interroger. La chaîne allait de l'un à l'autre, poussant de petits grognements discrets et appant un morceau par-ci par-là. « Comment ?» s'écria tout à coup M. Noël, poursuivant son interrogatoire. « Payé est maintenant de l'Institut ?»« C'était mon camarade de promotion, » ajouta-t-il avec un soupir mélancolique. « Le connais-tu ? » « Oui, » répondit Antoine. « Je l'ai rencontré cet hiver chez le ministre de l'Instruction publique. »« Chez le ministre ?» s'exclama M. Verdier avec un épanouissement d'orgueil. « Tu vas donc chez les ministres ?»« Mon Dieu, oui, père, » repartit le jeune homme en souriant. « J'y dîne même quelquefois. » On n'y mange pas d'aussi bonnes choses qu'ici. Hein ? Fit le garde général en lançant un coup d'œil à Sœurette. Il dîne chez les ministres, quel gaillard ! Le brave homme en ce moment eût souhaité que tous les gens du bourg fussent à la fenêtre, afin de pouvoir leur crier cette mirifique nouvelle. Eh bien, après ? Interrompit dédaigneusement M. Noël. La belle affaire ! Moi aussi j'ai dîné chez un ministre, et dans ce temps-là c'était Villemain. Ça ne m'a pas empêché de gâter mon avenir. J'espère bien qu'Antoine ne deviendra pas un coureur de salon. Et qu'il n'oubliera pas qu'il se doit avant tout à la science. Les salons et les femmes, deux pestes pour les gens d'études. Soyez tranquille, mon cher maître, répliqua Antoine, j'ai là-bas la réputation d'un sauvage. Ça ne t'empêche pas ce matin, pourtant, grommela M. Noël, de perdre ton temps à galantiser une demoiselle. Quelle demoiselle ? Demanda Madame Verdier, déjà effrayée. Antoine conta sa rencontre avec la jeune amazone du carrefour de la Tillaille. « Je ne sais même pas son nom, » dit-il en finissant. « C'est Mademoiselle La Tremblay, la demoiselle de la Maison Verte, » s'écria Verdier, « une étourdie qui ne craint ni Dieu ni diable. Une effrontée !» grogna M. Noël, qui avait toujours sur le cœur le coup de cravache donné à ses champignons. « Je vous trouve bien sévère, » fit Antoine. « Elle m'a paru à moi très bonne fille et pleine de cœur. Parlons d'autre chose, » interrompit M. Noël d'un ton bourru. Il restait encore longtemps à deviser autour de la table, puis Sœurette emmena son fils sous prétexte de lui faire visiter le jardin. Elle voulut la voir à elle seule, et elle se complaisait à lui montrer en détail les richesses de son modeste royaume. La basse-cour avec tous ses habitants, pigeons pattus, poules huppées, pintanes criblées de noir et de blanc, le rucher avec ses ciruches bourdonnantes et ses plates-bandes de sarriette et de thym, la haute treille où les grappes commençaient à devenir transparentes, les couachiers ployant sur le poids de leurs longues prunes violettes. Antoine était tout heureux de retrouver le vieux jardin tel qu'il l'avait connu dans sa petite enfance. Comme autrefois, les mêmes néfliers noueux trempaient leurs branches dans l'aube, dont le verger était riverain. Les trochers de phlox, les sveltes rostrémières poussaient à leur place accoutumée, et même, en se baissant vers une plate-bande, le jeune homme reconnut avec émotion les deux minces tiges vertes d'une scie qu'il avait rapportée de la forêt, il y avait plus de 15 ans, et qui chaque année se remontrait à l'endroit où il l'avait transplantée. La terre avait gardé pieusement dans son sein le dépôt qui lui avait été confié. Depuis cette époque lointaine, Antoine avait traversé le tourbillon de Paris, rempli son cerveau de notions nouvelles, reçu 1000 impressions changeantes, et pendant ce temps, la petite scie avait continué de s'épanouir fidèlement dans ce coin de jardin. De même qu'un chêne est rivé au sol par les minces filaments chevelus de ses racines, ainsi nos cœurs sont rattachés à la maison paternelle par des milliers de liens frêles et vulgaires, mais puissants par le nombre. Tout le reste de la journée fut consacré à ces pèlerinages intimes vers les souvenirs d'autrefois. À la nuit, Sœur Aide conduisit son fils dans la chambre haute. Elle assista comme jadis au petit coucher de l'enfant bien-aimé, et comme jadis, elle borda son lit. Il était déjà prêt à s'endormir, qu'elle trottinait encore doucement par la chambre, et au moment de tourner le bouton de la porte, elle revint vers lui d'un air embarrassé. « Antoine, murmura-t-elle en se penchant à son chevet, je suis sûr que tu ne fais plus ta prière. » Il l'embrassa en riant sans répondre. « Dis un bout de prière, mon garçon, reprit-elle en s'éloignant sur la pointe des pieds. « Tu me feras plaisir. » La porte se referma et le savant, à travers toute sa science, se sentit touché en plein cœur par cette naïve recommandation maternelle. Le lendemain, tandis qu'il savourait le plaisir d'être lentement réveillé par les rumeurs matinales de la vie campagnarde, Sœur Aide reparut avec une jatte de lait fumant et un gros bouquet de roses. Elle reprenait toutes les habitudes d'autrefois et lui apportait au lit son premier déjeuner avec les premières fleurs du jardin. Elle s'assit à son chevet et se mit à jaser en le couvant du regard. « J'ai déjà visité ton linge, dit-elle, il est dans un pauvre état. Ces laveuses de Paris emploient je ne sais quel drap pour le blanchir, et puis quel désordre. Tout est dépareillé. Ne me parlez point des intérieurs où il n'y a pas de femmes pour veiller aux affaires des hommes. Sais-tu, Antoine, maintenant que tu es casé, tu devrais songer à te marier. » Le jeune homme sourit. Jusque-là, l'idée du mariage n'avait guère hanté son cerveau. Bien qu'il ne fût ni un puritain ni un anachorète, les femmes n'avaient joué dans sa vie qu'un rôle secondaire. Les plaisirs parisiens avaient plutôt amusé sa curiosité que charmé son cœur. Pour cet enfant de la forêt, la vie et les séductions des grandes villes avaient quelque chose de trop raffiné et de trop artificiel. « Oui, poursuivait Sœur Aide, il te faudra chercher une bonne femme, bien élevée et ayant des principes. Il n'y a donc pas de demoiselle dans le monde où tu vas ?»« Ma bonne mère, répondit Antoine, j'ai gardé un trop grand fond de sauvagerie pour que les jeunes filles de ce monde-là me plaisent et pour que je puisse leur plaire. À 18 ans, elles savent déjà tout ce qu'elles devraient ignorer. Ce sont des plantes de serre chaude, précoces et maladives. Il me faudrait une femme simple, franche et naturelle comme toi, un cœur fermé comme une fleur en bouton, qui ne sourira que pour moi et ne saurait de l'amour que ce que je lui en apprendrai. Voilà pourquoi je ne me marierai probablement pas de si tôt. Certes, s'écria Madame Verdier, ce ne seront pas tes parisiennes qui te donneront tout cela. Mais il n'y a pas de femme qu'à Paris. Autour d'ici, il ne manque pas de filles bien élevées et bien pourvues. Les philosophes hermétiques avaient raison de croire que certains mots sont doués d'une sorte de magique influence. Il suffit de les prononcer pour que le charme agisse. S'il n'opère plus, comme jadis, la transmutation des métaux, il modifie du moins la forme de nos idées et en change la direction. À la suite de cet entretien, Antoine fut mystérieusement amené à repenser la jeune fille qu'il avait rencontrée au carrefour de la Tillaille. Il s'habilla lentement, sortit pour prendre l'air, et une attraction secrète le porta vers le canton de la forêt qu'il avait parcouru en compagnie de Mademoiselle La Tremblay. Dès qu'il fut en plein bois, l'image de sa compagne de la veille s'imposa plus tyranniquement encore à sa pensée. qu'était-ce que cette jeune fille dont les allures libres contrastaient si fort avec les habitudes réservées de la vie de province. Antoine se remémora, non sans plaisir, l'expression à la fois chaste et altière de sa figure, ses grands yeux purs et profonds, sa parole franche et cordiale. Une aventurière n'aurait pas eu dans ses façons ce naturel et cette grâce un peu sauvage. Il rassemblait les menus détails de leur conversation, il les soumettait à une analyse minutieuse et ne parvenait pas à y découvrir un grain d'affectation ou d'effronterie. Tout en ruminant ses souvenirs, il avait dépassé le carrefour et il était arrivé au lieu même où il avait rencontré Raymonde. L'endroit était facilement reconnaissable. De noirs débris de charbon marquaient encore la place où avait stationné la banne, et les plantes froissées gardaient l'empreinte des pas autour de la source. Antoine s'agenouilla, trempa ses mains dans le courant, et tout à coup vit quelque chose chatoyer au fond de l'eau. Son bras s'enfonça plus avant, et ses doigts rencontraient le porte-bonheur de Raymonde. Il examina curieusement ce bijou dont les brusques mouvements de la jeune fille avaient sans doute fait jouer le ressort. Il lut ces mots gravés sur l'émail « Pensez à moi ». Cette devise et la fleur symbolique qui la complétaient annonçaient clairement l'intention du donateur. « Quel peut être l'auteur de ce cadeau ?» se demandait Antoine, non sans une pointe de désenchantement. « Après tout, cela m'est égal, » se dit-il, honteux de sa ridicule préoccupation. « Le plus clair de ceci, c'est que je dois renvoyer ce bijou à Mademoiselle La Tremblay. Qui pourrais-je bien charger de la commission ?» Je ne sais quel sage instinct lui conseillait de confier cette mission à l'un des gardes de son père. D'un autre côté, un secret désir, une singulière curiosité le poussait à opérer lui-même la restitution. Tout en délibérant, il avait empoché le porte-bonheur et s'était mis à marcher dans la direction de Vivet. Quand du haut de la côte il aperçut la maison verte avec son allée de tilleuls, ses pelouses et ses fenêtres gaiement ensoleillées, il se dit qu'il fallait cependant bien prendre un parti. Une svelte forme de jeune fille, qu'il entrevit se promenant le long des massifs, un arrosoir à la main, le décida tout à fait. Il descendit rapidement à la rampe de Vivet, enfila l'avenue des tilleuls, et ne s'arrêta tout essoufflé que pour sonner à la grille. Il ne jugea pas convenable de demander à parler à Raymonde, et tendant sa carte au petit domestique qui était venu lui ouvrir, il le pria de la porter à son maître. Un instant après, il était introduit dans la bibliothèque où M. La Tremblay lisait son journal et où Mme Clotilde bordait une bande de tapisserie. Il s'excusa de son mieux de cette visite matinale, conta brièvement les circonstances de sa rencontre avec Raymonde et ajouta « Mademoiselle La Tremblay vous a sans doute appris que dans son empressement à venir en aide au charbonnier, elle avait la mauvaise chance de perdre un bracelet. « Vraiment ?» interrompit Mme Clotilde avec humeur. « Elle s'est bien gardée d'en souffler mot. Toujours la même enfant désordonnée. » Antoine examina du coin de l'œil la dame, dont le regard insinuant, le front bas, le sourire hardi et perfide, lui déplurent du premier coup. « Rassurez-vous, madame, » répondit-il, « ce matin le hasard m'a ramené au carrefour de la Tiaille, et j'étais assez heureux pour retrouver le bracelet de mademoiselle, votre fille. » Au moment où il tirait le bijou de sa poche, la porte s'ouvrit avec fracas, et Raymonde, tête nue, en toilette du matin, se précipita dans la bibliothèque. À l'aspect du jeune homme, elle poussa un cri de surprise et devint très rouge. « Remercie, monsieur, qu'ait la bonté de te rapporter ton porte-bonheur, » dit froidement Madame Clotilde. « Le voici, mademoiselle, » reprit Antoine en la saluant et en lui tendant le cercle d'or émaillé. Il baissa les yeux, murmura un remerciement confus, puis, sans témoigner autrement sa joie que par un léger froncement de sourcils, elle fit rapidement disparaître le porte-bonheur et alla s'asseoir près du fauteuil de son père. « Monsieur Verdier, » demanda celui-ci, qui était resté silencieux, les yeux fixés sur la carte d'Antoine, « j'ai lu souvent des articles scientifiques signés de votre nom. L'auteur est-il l'un de vos parents ?»« C'est moi-même, » répondit le jeune homme en souriant. Cette découverte amena un rapide changement dans les façons de M. La Tremblay. Il s'était autrefois occupé de physiologie, et sortant de sa réserve habituelle, il se mit à parler de son étude favorite avec une vivacité dont il n'était pas coutumier. Condamné depuis longtemps à vivre dans un milieu frivole où ses facultés s'amoindrissaient, en proie à une sorte d'anémie morale, il semblait respirer un air plus salubre en présence d'un homme de son monde, d'un savant dont l'opinion faisait déjà autorité. C'était une bonne fortune pour se déclasser, dont l'esprit n'avait eu en 5 mois d'autres ressources que la lourde conversation terre à terre de l'honnête Haussmann de Préfontaine. Antoine, s'apercevant de la joie enfantine de son interlocuteur, se prêtait de bonne grâce à ses questions, et l'entretien ne tarissait plus, allant de Goethe à Darwin, de la métamorphose des plantes à la théorie de la sélection. Raymonde, enchantée de voir son père secouer sa somnolence habituelle, s'était appuyée au dossier du fauteuil de M. Latremblay, et les mains croisées, le cou tendu, les yeux grands ouverts, elle assistait attentive à la discussion. Il lui arrivait souvent de ne pas bien comprendre, mais la voix grave et sympathique du jeune homme la charmait par ses seules intonations. Antoine, d'ailleurs, donnait ses explications dans une langue si simple et si lucide. Il avait une éloquence si vraie et si entraînante que ses paroles semblaient trempées aux sources mêmes de la nature, tant elles étaient imprégnées de la sève et de la senteur de ses forêts natales. La conversation était tombée sur la botanique, et le jeune homme cita les particularités curieuses de certaines plantes qu'il croissait aux environs. « Soyez assez bon pour m'en apporter des échantillons à votre première visite, » dit M. Latremblay, « car je compte bien que vous reviendrez nous voir maintenant que vous connaissez le chemin de la maison verte. » Madame Clotilde, qui avait une répugnance violente pour les conversations sérieuses, manifestait son ennui par des bâillements à peine étouffés. Le petit domestique vint annoncer que le déjeuner était servi et Antoine se leva. Contrairement aux habitudes hospitalières de la campagne, Madame Latremblay ne jugea pas à propos d'inviter le visiteur à partager sans façon le déjeuner, et le craintif Latremblay n'osa prendre sur lui de réparer l'impolitesse de sa femme. Antoine avait déjà quitté la bibliothèque et traversait le vestibule quand un froufrou de robe lui fit tourner la tête. C'était Raymonde qui, outré de la froide hostile de sa mère, s'était élancée hors de l'appartement. « Permettez-moi de vous reconduire, » murmura-t-elle en rougissant. Et, se montrant si cordiale que sa mère avait paru maussade, elle lui fit prendre le chemin le plus long, s'arrêtant à chaque pas pour lui montrer une fleur ou lui demander le nom d'un arbuste. Quand ils furent près de la grille, elle leva vers lui ses grands yeux souriants. « Vous nous prouverez, j'espère, monsieur, que les savants ont de la mémoire, et vous apporterez à mon père les plantes que vous lui avez promises. » Elle sourit de nouveau, fit une révérence et laissa le jeune homme sous le charme d'un dernier regard. Il s'en revint lentement par les bois, repassant dans sa tête les incidents de la matinée et occupé plus que de raison de l'originale figure de Raymonde. Ses impressions étaient encore trop confuses pour qu'il pût les analyser, mais elles bourdonnaient doucement en lui comme des abeilles qui viennent d'essaimer et qui tourbillonnent dans l'air, incertaines de la place qu'elles choisiront pour construire leur ruche et distiller leur miel. Pourtant, il ne s'empressa pas de tenir sa promesse, et quelques jours se passèrent sans qu'il songeât à chercher les plantes dont il avait parlé à M. Latremblay. Un soir, il se promenait sur la route d'Aubrive avec M. Noël, devisant familièrement de ses projets d'études. Comme toujours, la petite vallée était calme, et le frais bouillonnement de l'aube y élevait seul son bruit, mêlé à la lointaine cadence des sabots d'un cheval, trottant sur le chemin pierreux. Tout à coup, ce trot paisible se changea en un galop furibond, et avant que les deux promeneurs eussent le loisir de se rendre compte de ce qui arrivait, monture et cavalier passèrent comme une trombe à côté d'eux dans un nuage de poudre. Ils eurent à peine le temps de se ranger contre le talus. Quand le premier éblouissement fut dissipé et la poussière envolée, Antoine reconnut Raymonde montée sur son enragé cheval breton. Toujours galopant, elle tourna brusquement de son côté sa figure expressive, fit un signe de tête, qui avait autant l'air d'un reproche que d'un salut, et disparut dans un nouveau nuage de poussière. « La sotte péronnelle !» s'écria M. Noël en éternuant et en époussant sa redingote verte. « Elle est arrivée sans crier gare, et un peu plus elle nous passait sur le corps. On n'a rien de mieux à attendre de pareilles engeances. Que cela te serve de leçon dans la vie, mon fils Antoine. » Cette allocution ne produisit guère d'effet, car le lendemain, à l'heure où le soleil commençait à être moins ardent, Antoine gagna les prés tourbeux du Val-Clavin et se mit en quête des plantes dont il avait parlé à M. Latremblay. Il choisit les plus beaux échantillons, y joignit des balsamines sauvages aux frêles éperons d'or, des parnassies, de sveltes gentianes bleues, toute la flore charmante des pelouses montueuses et humides. Puis, traversant les bois avec sa gerbe de tiges élancée, aux couleurs éclatantes, il atteignit Vivet au soleil couchant, fit un dîner sommaire à l'auberge du village et se rendit à la maison verte, lorsqu'il supposa que la famille était sortie de table. Il s'était trompé dans son calcul, et on l'introduisit dans la salle à manger où le dessert venait seulement d'être servi. « Ah, les jolies fleurs !» s'écria Raymonde, au moment où Antoine entrait avec son bouquet. Elle alla immédiatement chercher un vase et voulut y arranger elle-même les plantes que le jeune homme lui tendait une à une en les nommant. Madame Clotilde, cette fois, se montra sinon plus affable, du moins plus polie, et elle daigna verser de ses blanches mains le café dans la tasse qu'on avait placée près d'Antoine. Le savant ne lui était pas sympathique. Il se sentait en présence d'un homme supérieur, et elle redoutait qu'il ne fît une trop vive impression sur l'esprit enthousiaste de sa fille. Néanmoins, soit qu'il jugeât les choses trop avancées avec Haussmann pour qu'une rupture fût possible, soit qu'elle craignît d'irriter les instincts d'opposition et de révolte qui sommeillaient au fond du caractère de Raymonde, elle crut prudent de ne pas heurter de front l'engouement de la jeune fille et de son père pour le nouveau venu. Elle sut dissimuler et se mit en frais d'amabilité. M. La Tremblay eut bientôt accaparé Antoine et se fit expliquer longuement les mœurs curieuses des plantes qu'il avait apportées. De temps à autre, Madame Clotilde, ennuyée de toute cette science, coupait la parole à son mari pour jeter à travers l'entretien quelques réflexions bien banales. Quant à Raymonde, elle était devenue subitement silencieuse. Tout en écoutant les explications données par Antoine, elle songeait qu'il était assis à la place même où Haussmann jadis étendait ses longues jambes, et involontairement, elle établissait entre les deux jeunes gens une comparaison qui n'était pas à l'avantage du sire de Préfontaine. Pourquoi la bizarrerie de la destinée n'avait-elle pas placé tout d'abord sur sa route ce jeune homme à la voix douce, au caractère viril, à l'esprit sérieux et enthousiaste? Elle n'aurait pas accueilli les vulgaires hommages du colonel Haussmann. Elle aurait repoussé bien loin l'idée de ce mariage absurde et peut-être, cette vague hypothèse suffisait déjà à lui donner un léger battement de cœur. Peut-être Antoine l'aurait-il aimée. Elle se savait assez séduisante pour qu'un pareil rêve ne fût pas irréalisable. Un secret instinct lui disait qu'Antoine n'était pas insensible à sa beauté. Sans cela, serait-il revenu en dépit du plaisant accueil de Madame de La Tremblay? Certes, elle ne voulait pas de mal à Haussmann. Mais pourquoi, grand Dieu, son cheval Pigeon ne l'avait-il pas versé avec une bonne entorse sur le chemin de la Margelle, le jour où, pour la première fois, il avait pris le trot dans la direction de la Maison Verte? Antoine aurait eu le temps d'arriver, et elle ne se serait pas engagée à l'étourdie. Engagée, l'était-elle bien sérieusement? Aux yeux d'Haussmann, oui, mais à ses propres yeux à elle. Elle avait promis d'essayer, c'était tout. Hélas, elle avait beau retourner dans tous les sens les paroles qu'elle avait prononcées depuis un mois, et cherchait avec l'ingéniosité d'un plaideur normand à en atténuer la portée, au fond de sa conscience, une voix protestait et lui criait qu'elle avait encouragé Haussmann, au moins par son silence, qu'il aurait fallu dire un nom bien net et bien franc, et pour que ne l'avoir pas dit, elle se trouvait bel et bien liée à un homme qu'elle n'aimait pas. « Eh bien, Raymonde, s'écria sa mère, à quoi rêves-tu? On n'attend plus que toi pour passer au salon. » Elle se réveilla, secoua la tête et s'empressa de courir dans la pièce voisine où elle prépara la table de jeu. « Savez-vous le bésigue, monsieur Verdier ?» demanda madame Clotilde, qui avait la passion des cartes et qui, depuis le départ de Préfontaine, condamnait chaque soir monsieur La Tremblay à d'ennuyeuses et interminables parties. Antoine s'excusa. « Bon, reprit La Tremblay, je me dévoue. Laisse ces jeunes gens faire un tour de jardin. Monsieur Verdier, je vous recommande ma collection de chrysanthèmes. » Madame Clotilde fronça le sourcil. Cette promenade en tête-à-tête ne lui souriait guère. Elle hésita un moment à quitter Antoine et Raymonde, qui descendaient déjà les degrés du perron, mais l'amour du bésigue l'emporta sur sa sollicitude maternelle, et elle revint à la table de jeu où M. La Tremblay s'était assis plein de résignation. « Quel est donc ce petit vieux avec qui vous causiez hier sur la route ?» demanda Raymonde à Antoine dès qu'ils furent dans le jardin. « Il n'a pas l'air commode. « Habite-t-il à Aubrive ?»« Non, il demeure au Chanois. »« Ah ! » s'écria-t-elle, « c'est l'homme au chien jaune. J'aurais dû le reconnaître rien qu'au regard méchant qu'il m'a lancé. »« Ne dites pas de mal de Monsieur Noël, » répliqua Antoine. « C'est mon vieux maître et le meilleur homme du monde. »« On ne s'en douterait pas à sa figure. »« Il ne paye pas de mine, c'est vrai. »« Mais sa rudesse est comme le lichen qui s'amasse autour des chênes. »« Elle n'existe qu'à la surface et n'empêche pas le cœur d'être sain et solide. » Monsieur Noël se croit misanthrope et n'est que chagrin. C'est lui qui m'a envoyé à Paris, et je lui dois le peu que je suis. Aussi, je l'aime comme un père, et je lui ai toujours obéi comme à un maître. Raymonde eut un singulier mouvement de dépit en constatant la force des liens qui attachaient Antoine à Monsieur Noël. Il peut avoir en dedans toutes les qualités imaginables, répondit-elle en retroussant dédaigneusement le coin de ses lèvres. N'importe, il me fait peur, et je suis sûr qu'il me déteste. Il déteste toutes les femmes, dit Antoine en riant. C'est chez lui une question de principe. Les yeux de Raymond s'arrêtèrent malicieusement sur son interlocuteur. Elle avait la bouche ouverte pour lui demander « Vous a-t-il aussi inculqué ce beau principe-là » Le jeune homme sembla deviner la question suspendue aux lèvres de Mademoiselle La Tremblay, et il ajouta « C'est le seul point sur lequel nous différions de sentiment. »« Bah, s'écria Raymond, cette grande haine n'est peut-être que de la rancune. Dans son jeune temps, il aura été trahi par la dame de ses pensées. »« Je l'ignore, et s'il en était ainsi, je lui donnerais raison. Le mensonge est toujours odieux. » Mais le mensonge tombant de lèvres d'une personne qu'on aime et dans laquelle on a confiance me paraît un crime impardonnable. Les lignes de son visage avaient pris une expression sévère et il parlait avec une énergie qui intimida Raymond. Ils achevèrent silencieusement le tour de la pelouse et vinrent s'asseoir en face des porte-fenêtres du salon sur un banc de gazon que garnissaient des pets massifs de pétunia. La nuit tombait, la petite vallée boisée s'assombrissait de plus en plus et avec l'obscurité croissante, les rumeurs du village s'apaisaient successivement. Sur la sombre façade de la maison verte, les baies lumineuses des portes du salon tranchaient seules. On n'entendait plus que le susurrement du ruisseau, le cri aigu d'une poule d'eau dans les joncs d'un étang, et les voix confuses des deux joueurs qui marquaient leurs points. Antoine et Raymond assistaient avec une sensation de rêveuse volupté à la tombée de la nuit sur les bois. Ils se parlaient à peine, et au fond de leur cœur de confuses et douces pensées descendaient à mesure que l'obscurité grandissait. On eût dit un crépuscule mystérieux où rien n'était distinct, mais où tout flottait dans une ombre bleuâtre et veloutée. Tout à coup Raymond, pour mieux voir les étoiles qui pointaient dans le ciel, renversa sa tête en arrière, laissant ainsi innocemment se révéler, aux yeux émerveillés d'Antoine, les lignes onduleuses de sa poitrine et de son cou. « Comme les étoiles naissent vite » murmura-t-elle. Quand j'étais petite fille, j'essayais de les compter à mesure qu'elles montaient dans le ciel, et toujours le sommeil me prenait au milieu de mes contes. « Il en est ainsi des meilleures choses, » dit Antoine en souriant. « À peine les avons-nous vues poindre, qu'une main invisible nous emmène. Au milieu de la fête, il faut partir comme des enfants qu'on emporte au lit avant la fin du spectacle. » Raymond tressaillit. Disait-il vrai? Et cette heure charmante qu'elle venait de savourer si voluptueusement, sera-t-elle la seule? Fallait-il l'oublier comme un beau rêve et retomber pour toujours dans le terre-à-terre de la réalité avec le pigeonnier de la Margelle et la compagnie de Préfontaine en perspective? Oui, murmura la raison, tu es la fiancée d'Osmain et tu n'as plus le droit de rêver à ta fantaisie. Laisse cet étranger passer son chemin et continue de trotter prosaïquement sur la route banale. Antoine se leva. Il faut partir, répéta-t-il, je vais prendre congé de vous. Raymond fit quelques pas dans la direction de la maison, puis s'arrêta. Elle avait consulté sa raison, mais comme il arrive presque toujours, elle n'avait demandé un conseil que pour ne pas le suivre. « Est-ce que vous devez quitter bientôt, Brive ?» murmura-t-elle avec un léger tremblement dans la voix. « Non pas, j'y suis pour plus de 2 mois encore. »« Alors vous reviendrez nous voir ?» Elle avait relevé la tête, leurs yeux se rencontrèrent et pendant un instant, sous la douteuse clarté du ciel fourmillant d'étoiles, leurs regards plongèrent lentement l'un dans l'autre. « Je reviendrai, » répondit Antoine d'une voix émue. « Bien sûr, je vous le promets. » Sa main s'était avancée vers celle de la jeune fille, elle lui tendit la sienne, et les deux mains se serrèrent plus que ne le permettaient les conventions de la politesse mondaine. Elles se quittèrent enfin, et sans ajouter un mot, Antoine rentra dans le salon pour prendre congé de ses hôtes.